Le personnel du complexe de locomotives électriques Kim Jong-un contient mal son indignation contre les services de renseignement des États-Unis et de la Corée du Sud qui ont préparé en secret même des attentats contre l'État au moyen des matières radioactives ou celles biochimiques telles que les substances toxiques de nanoforme au bout de la conspiration de l'attentat à la bombe contre notre direction suprême. Le chef d'atelier Son In-bom dit: les États-Unis et les fantoches sud-coréens livrent les exercices de guerre nucléaire contre nous et conspirent l'attentat contre notre direction suprême plus précieuse que notre vie. C'est vraiment insupportable. Le chef d'atelier Shin Sun-tae s'exprime. Ce forfait n'est jamais un simple crime possible des forces d'hostilité malsaine contre la sécurité intérieure de la souveraineté d'État. Il s'agit du défi des plus abominables et de la déclaration de guerre visant à couvrir notre soleil éternel, pilier spirituel absolu de tout le peuple coréen. L'ouvrier Park Hong-chol souligne qu'aucun ne peut empêcher l'esprit de vengeance impitoyable des ouvriers du complexe et de tout le peuple du pays, et que les terroristes criminels ne pourront exister sur notre planète.